de l'âge supporterons-nous la charge d'un monde qui nous éloigne, perdu tant d'éléments au passage. Maintenu tout en bas, ils avaient tous les appâts, jamais dernier pourtant pour les idées larges. Les idées larges. Maintenus dans l'état, des pensées sales et coupables, une moitié de life dans des pages peu recommandables qui méritaient quelques mandales. On refuse l'effort car hypnotisé dans le confortable, devoir cramer tant de kilomètres pour espérer un jour peut-être fuir le mal-être. On a trop laissé nos illusions nous compromettre. Choisiras-tu un filtre au moment de disparaître? Dans la force de l'âge, supporterons-nous la charge d'un monde qui nous éloigne, perdu tant d'éléments au passage. Maintenu tout en bas, ils avaient tous les appâts, moi qui avais pourtant des idées larges. Des idées larges. La fuite n'est pas la solution à tous les tourments qui nous assaillent. Ils nous maintiennent dans le bas, ils nous maintiennent dans le bas, c'est eux qui graillent. Où est la maille, où est la maille, où est la maille? Où est la maille, où est la maille, où est la maille? Combien de time, combien de time, combien de time? Oh oh oh oh oh. Sera-t-on laissé à part? Combien de drames avant que ne soit absorbé tout l'idéal dans les zones infernales? Dans la force de l'âge, supporterons-nous la charge d'un monde qui nous éloigne, perdu tant d'éléments au passage. Oh yeah. Maintenu tout en bas, ils avaient tous les appâts, jamais dernier pourtant pour les idées larges. Les idées larges. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sandodo. Sandodo. Sandodo. Yeah, my baby. Sandodo. Sandodo. Sandodo.